50 languages. 3. التعارف. Faire connaissance. Faire connaissance. مرحبا. Salut. Salut. مرحبا. نهارك سعيد. Bonjour. Bonjour. كيف الحال؟ كيف حالك؟ Comment ça va? Comment ça va? هل أنت من أوروبا؟ Venez-vous d'Europe? Venez-vous d'Europe? هل أنت من أمريكا؟ Venez-vous d'Amérique? Venez-vous d'Amérique? هل أنت من آسيا؟ Venez-vous d'Asie? Venez-vous d'Asie? في أي فندق تقيم؟ Dans quel hôtel séjournez-vous? Dans quel hôtel séjournez-vous? منذ متى أنت هنا؟ Depuis quand êtes-vous ici? Depuis quand êtes-vous ici? إلى متى ستبقى؟ Jusqu'à quand restez-vous? Jusqu'à quand restez-vous? أتعجبك الإقامة هنا؟ Est-ce que vous vous plaisez ici? Est-ce que vous vous plaisez ici? أتقضي عطلتك هنا؟ Êtes-vous en vacances ici? Êtes-vous en vacances ici? تفضل بزيارتي. N'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à venir me voir. هذا عنواني. Voici mon adresse. Voici mon adresse. هل سنلتقي غدا؟ Pourrions-nous nous voir demain? Pourrions-nous nous voir demain? آسفة. لدي التزامات أخرى. Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. وداعا. Salut. Salut. إلى اللقاء. Au revoir. Au revoir. أراك قريبا. À bientôt. À bientôt.